finalement, je sais pas, là. On recommence au début, là. Il nous manque 30 minutes. Il nous manque 30 minutes, ouais, on n'a pas enregistré, fait que tout le monde va faire le début de toute ouais. façon. Pour gagner du temps, là, on n'a pas le temps de faire toute une demi-heure encore. Donc, on va tout refaire ce que vous avez manqué, ceux qui ne l'ont pas écouté live, mais en accéléré, tout en même temps. J'ai mon ami main droite, vous avez fait que c'est ça, mais c'est ça. Moi, j'ai apporté le truc de la main droite. Alors, on a Gisèle, on s'est levé. Il est arrivé. Elle fait les chansons de Madonna en portugais. Non, en portugais. Ah ouais, ben c'est intéressant. Il y a Clafouk qui a fait entrer le sillon. L'équipe d'hockey, tu sais. Poudoum! Semblable, ça. Voilà. Bon, ben, excellent. Merci Bruno, tu nous amènes au joyeux monde de l'univers. Oui, exactement. Ouais, ça, c'est beau. L'univers infini. C'est plus loin encore. Ben, voilà. Alors, sous une grande pression des autres membres de son parti, Sanad Jeljedi. Son nom, il est con. Le leader d'un parti politique ouvertement antisémite a dû démissionner de son poste après avoir découvert qu'il était descendant juif lui-même. Ben, tabarnou! L'homme qui il a le courage de ses convictions. Alors l'homme qui a décrit les juifs d'Israël comme des sales meurtriers infestés de poux s'excuse aujourd'hui pour ses propos et tout ce qu'il aurait pu dire contre le peuple choisi alors qu'il se prépare pour un voyage à Auschwitz afin de payer ses respects aux martyrs de l'Holocauste. Eh ben hein? Ah, il a viré de bord aussi. Hey, Those Jews they'll change minds. Ok, ben, c'est pour ça qu'ils haïssaient parce qu'ils aimaient ça être avec eux autres. Ah peut-être c'est ça. Ben voilà, ouais, il était jaloux dans le fond. Il y a eu les gars qui ont des grosses queues. Let's go mon gars. D'accord, un autre. Alors, une femme portée disparue lors d'une visite du canyon volcanique d'Elja en Islande s'est joint au groupe de 50 personnes qui la recherchaient sans savoir qu'elle était la femme portée disparue. Il semble que la femme ait changé de vêtements lors de l'arrêt de son autobus et que personne ne l'ait reconnue. Elle non plus ne s'est pas reconnue, d'ailleurs, dans la description d'elle-même qui a été distribuée. Éventuellement, la femme s'est rendue compte qu'elle était probablement la personne en question et est allée voir les policiers pour confirmer qu'elle n'était pas perdue. Ben voilà. Quand tu dis que toutes les Chinois sont pareils, ils ont demandé une preuve. C'est un gros malentendu. Prouve-nous donc que t'es pas perdu. Ben ouais. Ben, s'il vous plaît, je me cache dans le buisson, puis vous venez me chercher. Ouais, c'est ça. Ben, let's go, un autre. All right, alors, un homme du Népal s'est fait mordre par un cobra alors qu'il travaillait dans sa rivière. L'homme de 55 ans a décidé de poursuivre le cobra afin de le rattraper, et lorsque chose fut faite, il a mordu le cobra à mort. C'est là. Ça me rappelle la fois que Boudreau a liché le chien ouais. dans l'appartement. Alors, j'aurais pu le tuer avec un bâton, mais je l'ai mordu parce que j'étais fâché, a affirmé l'homme. Il est maintenant à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Il sera pas poursuivi non plus pour avoir tué le cobra parce qu'il n'est pas en voie de disparition. Non, puis il y a une affaire de règlement de compte. Bon, ouais, c'est ça. C'est légal. Des règlements de compte, c'est légal. Ça, il a fait sa loi lui-même. Il pourrait être dans pour dans ces situations-là, on en parle jamais. Hey, Dieu, mets le trailer du film de ce soir, ça devrait être le troisième clip que j'ai mis dans ma playlist, c'est Neon Maniacs. Ça date de 1986, vous allez voir, c'est de toute beauté. Bon. On en revient, on va en reparler juste après. On n'en reviendra pas. Let me ruin your evening. Ils sont jeunes. Allez, Sou, laisse-toi faire. Ils veulent vivre libre. Ils veulent pas jouer avec nous. Ils s'aiment. En auront-ils le temps? Une désagréable surprise les attend. Maintenant, ils vont avoir 12 nouvelles raisons. Viens, cours! D'avoir peur. De la nuit. Ils en ont après moi. Chacun d'entre eux est un tueur. Ils arrivent dans un ordre diabolique. Le bûcheron, le bourreau, le chirurgien, le motard, l'égorgeur, le robot, le samouraï, l'indien, l'archer, le mercenaire, l'homme singe, ce sont tous des morts. Ils vivent pour faire le mal et tuer. Wow. 86 avec l'acteur principal qui n'est pas Corey Hart, comme on a dit tantôt, c'est Colin quelque chose qui était dans le premier Jason. Le premier, là, celui que c'était sa mère finalement qui était le méchant. Là, bon. À l'écoute du trailer de Neomaniacs qui ne mentionne aucun nom d'acteur ni de personne, on se rend d'abord compte que la quête de Neomaniacs, un film d'horreur des années 80, est exactement comme celle des autres films d'horreur de ces androgynes années. Soit trouvé par Eugénisme Original, le couple meilleur porteur des valeurs de la MPAA WASP. Parenthèse oblige, MPAA, c'est la Movie Producers Association of America. C'est l'oligopole culturel cinématographique responsable d'à peu près tout ce qui se passe au niveau cinématographique sur la planète. Et d'à peu près plus de 90% de tous les films sont écoutés sur la planète, encore une fois. WASP, les bonnes vieilles valeurs white, anglo-saxonnes, protestantes, ça ressemble à peu près à tout ce qu'on connaît au cinéma, encore une fois. Ouais, c'est ça. Tout le monde les connaît, là. Je parle pas de développer là-dessus. Et on te parle l'amour? Après être marié. Si tu fais ça avant, tu meurs. Voilà, c'est WASP. Okay. Donc, oui, les films d'épouvante, incluant ceux des 80s, peuvent souvent ou ont souvent pour but le couronnement d'un couple assez bon porteur de la pureté pour survivre à l'intervention d'un élément diabolique, toujours meurtrier, souvent gratuit, toujours en série et toujours hautement normalisateur. À noter qu'il est souvent très important pour ce dernier personnage, je parle du meurtrier en série, de n'avoir aucune méthode, aucun réflexe, aucune stratégie, aucun plan à long terme, aucune motivation extérieure aux siennes et aucun ami. Ah, ben c'est peut-être ça qui explique le reste. Mais pas ici, par contre, parce qu'on sait pas d'où ils viennent les 12 méchants. Donc, on revient au trailer de Neomaniacs, le bras vengeur de l'antisexe avant le mariage, prend ici la forme de 12 concepts. Vous les avez entendus, le l'archer, le samouraï, le robot, l'homme singe, le motard, le boucher, le mercenaire, l'indien, le chirurgien, le pâtissier. Du n'importe quoi, on en convient, ce qui est tant mieux pour nous. De plus, dit ordre diabolique, moi ça me... Un ordre diabolique, je sais pas. Ça prend un coefficient de diabolisation. On les évalue objectivement, puis on les classe avec ça. Un ordre diabolique. C'est ce que j'aurais fait. Comme un ordre... Ouais, genre, le moteur est plus diabolique que le mercenaire, fait qu'on le met après. On le met après, okay. On le met avant, alphabétique. Qu'est-ce qui est le plus alphabet, le A ou le Z? En ordre croissant, je l'ordre croissant, c'est plus. L'ordre croissant, fait que Z, c'est plus alphabétique que A. Non, mettons. L'ordre croissant, d'après moi, c'est mieux. Ah, ok. Ah, ouais. On a quand même une progression. Là. La polémique est très vivante, ouais. On s'entend. Néomaniac, c'est un film compliqué. Donc, polémique. Un film compliqué duquel l'innovation pour les douteux-logues se trouve dans la densité. Ce moins 7 minimum, on parlait de moins 8.5 tantôt, va franchir toutes les étapes en un temps record pour en venir à se classer en un film d'horreur des années 80. Et ce sans très grand confort pour la logique. Alias, tu bandes, tu meurs. Ça te tente de laisser aller tes hormones, tu meurs. Ensuite, le couple de survivants de la soirée se forme, c'est très important. On le teste un peu en lui laissant l'opportunité de baiser, il survit en disant non. Ce faisant, on découvre leur point faible et on contre-attaque. Dans le paragraphe précédent, j'ai omis les adjectifs cossin, épais, ridicule, impossible, prévisible, ainsi que tabarnak et hostie, usés sous leur forme qualificative. Pour s'en tenir aux propos, et sans passer par mes narines, les adverbes furent tous rayés. Ouais, c'est poli avec vous autres quand même. C'est vrai. C'est bon, j'apprécie. Rares sont les films d'horreur qui vont dans le négatif et que l'on ait le droit de trouver bon sans leur rappeler, sans leur donner l'appellation culte, l'appellation très non contrôlée. Encore plus rares sont les films d'horreur qui s'éloignent assez du zéro vers le bas pour en devenir une stimulation suffisante. On a eu quelques bons exemples depuis que j'ai écrit ce texte-là, mais quand même. Il y a des choses qui se font pas. Je crois qu'il y a d'essayer de faire peur aux gens avec des zombies qui se tuent avec de l'eau. C'en est une. Moi, ça marche pas. Comment une créature qui est à un glavio près, en plein visage de mourir, peut-elle faire peur à qui que ce soit? La Terre est une planète bleue, une planète pleine d'eau. L'eau est dans les airs, dans le sol. Comment on peut faire pour fabriquer un zombie destructeur invincible qui n'a qu'une seule faiblesse? L'eau. Imaginez une grosse envie de pisser, puis t'as plus de problème. Voilà. Un fusil à eau, puis t'es invincible. Il pleut, l'ennemi est anéanti, man. Un robinet, un boyau de jardin, une bière et un bataillon ennemi au complet, il passe, man. En plus, j'y pense, le sang, c'est à plus de 90%, 98% d'eau. Ouais. Ça veut dire que s'il te griffe, tu saignes dessus... Il meurt. Calme. Long métrage plutôt visuel qu'auditif, le concept stupide de Néon Maniac, c'est que 12 zombies, chacun affublé d'un stéréotype épais, tentent de courir après des jeunes ados qui tentent d'avoir du sexe avant leur temps. Parce que quand t'es à l'adolescence, je me rappelle, je t'ai demandé souvent. Ouais, t'es demandé tout. Donc c'est très très nouveau. Pour finir là-dessus, je pense que je suis très content de vous dire que c'est un film fiction de ISV, qui est une compagnie de production qui était spécialisée dans les faits vécus. Et à toutes les fois qu'ils font de la fiction, c'est fabuleux. Et ce soir, encore une fois, c'est un film unique. On va être content de vous passer ici après et pendant blabla. On va écouter le premier bloc de petits extraits du film que je t'ai mis dans les patentes, mon cher Dieu. Vous allez voir de toute beauté. Lorsque le monde sera menacé par la violence et que l'âme des êtres humains s'éteindra, la vie des adolescents sera réduite à néant avec l'apparition des Neon Maniacs. Thank you. beauté toute fraîche. Ça nous s'est sorti récemment des presses du grand douteux universel. On écoute un lapsus de notre candidate Québec solidaire ici, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Là. Alors, c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on s'est dit, d'en parler un peu plus tôt, que avec la richesse qui se produit ici au Québec, et il y en a de la richesse, c'est juste qu'on ne veut pas aller la chercher. Alors, à Québec solidaire, on l'a ce courage de politique, on se tient debout pour aller prendre l'argent ce qu'elle est dans les grandes entreprises, dans les redevances linéaires, les redevances de l'eau, pour réinjecter ça, pour permettre que tout le monde vive dans la pauvreté. Voilà. C'est quoi qu'elle a dit? Dans la pauvreté. Ah, pour que tout le monde vive dans la pauvreté. Ouais, ouais, ouais. Au moins, si tout le monde est pauvre égal, on va être riche ouais, égal. On va tout être riche égal. C'est comme Cuba. Ouais, comme Cuba, comme ouais. La Chine. Hey, Étienne, on s'en va vers ton bloc magique et délicieux. Tout à fait. Tu nous as parlé de Madonna un petit peu distordue tantôt. Moi, j'aimerais ça que tu remettes les affaires de Pardon My French pour qu'on les ressavoure. Ben, tout à fait. Écoute, on va y aller avec System qui chante comme une vierge. System. System comme aimé. Rappelons pour ceux qui n'étaient pas là live quand je l'ai fait jouer sans que ça s'enregistre. Il s'agit du système vocal Émilie de Bell Canada. Dans sa première prestation. Je l'ai fait à travers. Il ne sait pas que j'ai été fermé. Jusqu'à ce que je vous ai trouvé. J'étais battement inachevé. J'étais triste. J'étais triste et bleu. Mais vous m'avez fait le sentir. Vous m'avez fait le sentir. Brillant et nouveau. Comme une vierge bleue. Une vierge bleue. Ok, Mano. Vierge. L'autre, c'est Glafouk qui nous chante Entrer dans le sillon. Et sinon, tu nous parles de politique à ce temps. Oui, politique, parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'indécis. Hein, il y a un nombre record d'indécis cette année. Ça va bien pour la CAQ. Des élections. Fait que je me suis dit, je vais vous aider à vous décider. Donc, plutôt que de vous parler des lignes du parti, comme tout le monde fait, puis ça ne vous a pas aidé, apparemment, je vais vous faire jouer des tunes inspirées des slogans des partis. Puis là, vous pourrez voter pour le parti qui a la tune que vous avez le mieux aimé. Donc, on va commencer par Option nationale pour tout de suite se débarrasser de ça, là, vu que normalement, on n'est pas supposé d'en parler. Vraiment. Là, sur les médias. Là, ouais. On est un média, on n'a pas le droit là, de les inviter, mais on va en parler rapidement. Donc, eux, leur slogan, ben, c'est Option nationale, ça fait ON, donc ça fait ON. Fait que leur slogan est c'est tout le temps si on reprenait le contrôle du Québec et si on proposait la gratuité scolaire. Donc, moi, j'ai hâte de voir une pancarte, ça va être écrit on exclut la personne qui parle, si jamais il se fait pas élire. Je dis ça de même en passant. Mais il y a beaucoup de bonnes tunes avec des on, évidemment, comme par exemple la tune des Schtroumpfs et si on Schtroumpfait. Ah ouais. Ben, en plus, les Schtroumpfs sont bleus. À date, c'est eux autres qui prennent bon vote. Ouais. Sur national. Sur l'air de la cucaracha. Les Schtroumpfs font la couleur des pancartes d'Option nationale. Ouais, exact. Il y a des rastas après son bonnet. Ok, arrête, hein. Je suis plus capable. Option nationale, ok. Option nationale, ça va bien à la tête. Si j'y vais avec, ok, je vais y aller avec un gros morceau, Pauline Marois. Oui, c'est mon gros morceau. Donc, le PQ, son slogan, c'est « À nous de choisir » ou « Prenons le pouvoir de choisir ». C'est dépendamment de quelle pancarte vous regardez. Donc, ou si vous votez pas pour nous autres, la loi 78, elle va rester. C'est ça. Puis si vous votez pour quelqu'un d'autre, vous divisez le vote. Ouais. Donc, moi, j'ai choisi, justement, de choisir. Le mot « choisir ». Puis des chansons de choix, il y en a quelques-unes, incluant la toune de Noam, sa première chanson, « Difficile de choisir ». Et ça marche bien parce que c'est vrai que c'est pas facile de choisir. L'histoire, c'est un enfant qui doit choisir entre ses deux parents qui se séparent, donc un lien de plus avec le pays. Ah, ben ouais. Allez-vous choisir de déménager à Mississauga? Bonne chance. Pour mes parents, vous qui allez ne plus vivre ensemble, vous allez tout briser en vous voyant. Ouch. Ben ouais, hein, pas facile, hein? Ouch, non. Ça, c'est Noam. Noam, il était jeune à ce moment-là, mais il a vieilli un peu, il a mué un peu, et plus tard, il nous a fait son très grand succès. Oh, ben yes! Sûr. D'où vient-il? Voilà, c'est la même personne. Ça, c'est quelle partie? Ça, c'est aucun parti, okay. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que Noam est devenu après, tu sais. C'est de la culture personnelle. Plus de Goldorak. Souvent, les affaires de culture personnelle que je rajoute de même sont en question bonus à l'examen, en fin de compte. Fait que prenez des notes pareilles. Ensuite, on a évidemment le Parti libéral, que lui, c'est pour le Québec. Puis tout le monde est pour une affaire, pour une autre affaire. Fait que des tunes de même, il y en a plein. Par exemple, il y a « Pour boire, il faut vendre ». C'est Aldor Morin, on n'a pas de prochain. Pour moi, il faut vendre. Je reste au N pareil, là, les Schtroumpfs, c'est meilleur que ça. Ouais, ouais. OK, ben écoute, gars, hein? Je vais t'en mettre un autre de Charest, vu que je suis obligé d'en mettre deux pour le Parti libéral. Ben, il est majoritaire. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai pas le choix. Moi, c'est pour qu'on me paye comme ça. Les médias sont contrôlés un peu. Donc, Frédéric de Grandpré. Frédéric de Grappe. Ouais, c'est toujours bon. C'est contrôlé. Qui lui a fait pour elle. Martini pour... Pour elle. Je t'avance un peu. Les frais du bleu sur les montants. Tune originalement par Richard Cochente. J'apprendrai à vivre autrement. Sa façon est loin des gens. Chaque galère. Je vais chercher une extase. Infiniment sentimental. C'est pas qu'il fait beaucoup dormir. Hein, pour elle. Pour le Québec. Pour elle. Pour elle cul. Pour elle. Let's go, on continue. OK, on continue. Québec solidaire. Donc, les autres, c'est Debout. J'ai une chanson de Claire Pimperé tirée de l'album Moi et Fafouin qui s'appelle Debout, Debout. Excellent accord. Moi, pour me relever, je me sers de mon fessier. Moi, pour me mettre debout, je me sers de mes genoux. Je me sers de mon fessier pour me relever. Je me sers de mes genoux pour me mettre debout. Me voilà. Je suis debout, debout! Ouais, Québec solidaire. Je pense que quand je viens de switcher à Québec solidaire, moi. Ah. Ouais! Québec solidaire. Ouais, ouais, c'est vrai, ça. Elle était fière d'avoir réussi à se mettre debout. C'est ça, elle s'est servie de son fessier pour se lever. Ses genoux. C'est bon, c'est bon. C'est ça, le Québec solidaire. Hein. Ils n'ont pas fait grand-chose encore, mais maudits qu'ils en sont fiers. Ouais. Fait qu'ils manquent la CAQ. Eux autres, bon, évidemment, j'hésitais à mettre la toune Jonas dans la baleine parce que pour eux, c'est assez. Ça prend du changement, mais je trouvais que la joke était un peu conne. C'est un poisson, c'est pas une baleine. Ouais, ben, la toune s'appelle Jonas dans la baleine, tu sais. C'est comme ça. Ouais, non, je sais, écoute, parle-moi-en pas. C'était probablement une baleine. Ouais, on est écrit poisson dans la Bible. Ouais, mais je pense qu'il savait pas c'était quoi, c'était ça. Ben, il est écrit poisson dans la Bible. Ah, c'est bon, t'as raison, excuse-moi. Pas moi, c'est la Bible. Je la lis littéralement, moi aussi, la Bible. Ok, la CAQ, sinon, si on parle pas de baleine, là, eux autres, c'est assez, il faut que ça change. Fait que j'ai des tunes de changement. Entre autres, il y en a une excellente par Michel Brûlé, vous vous rappellerez de lui. Ah, ben oui. Ouais, oui, oui. Qui s'appelle Changer le monde. Ah, wow. Ça, c'est de la bombe. Ça, il faut écouter les premières affaires qu'il va dire. Il va se faire mal. Inspiré de Korn. Oh, Rammstein. C'est Mike Burr. Rammstein. Korn. Des fois, je me dis, à quoi ça sert? mettre mon poing sur la table, de dénoncer les iniquités, oh, la terre qu'on traite comme une poubelle. J'ai toujours dit devant les iniquités, ça rime avec poubelle. Vraiment pas bon. Écoute, voilà. Fait que ça, c'est la nouvelle tune de François Legault. Donc, c'est une tune pour la CAQ. C'est ça, changer le monde. Donc, j'en ai fait une pour chaque partie. Je reviendrai tantôt en faire d'autres pour les mêmes parties encore, pour peut-être renforcer un peu, puis vous donner d'autres aperçus, d'autres visions de chaque partie. T'sais. Bon, ben c'est calé. Voilà, n'oubliez pas d'aller voter demain. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Allez, on va écouter une tune de Corey Hart encore. Oh ouais. Là, cette fois-ci, elle va être enregistrée. Dieu, il a vraiment fait c'est ça. Mais Boy in the Box, là, c'est moi qui choisis. Parce que Corey Hart, il ressemble pas mal au film de ce soir, le héros. L'acteur de héros de Chuck de ben. Héros. Non, la petite moue. Sinon, toute, on n'en parlerait pas. T'inquiète, Montréalais, Corey Hart. Thank you. Boudreau, parle-moi. Ah, regarde, fuck mon droit de vote. Moi, je prends un droit de rot. Puis Johnny Depp, célibataire. Fait que pourquoi qu'on aurait besoin d'une équipe de hockey à Québec? Puis en même temps, je me dis, le Flo tantôt dans le métro qui faisait « da, j'y aurais tapé dedans, cette petite calice, à grand coup de pisse reggae là. » C'est qui ça, Martin Gingembre? Margin des jambes. Il y en a pas de jambes. Bon. Moi, je fais pas ça du sport, je veux mourir jeune. Puis sinon, ben, appelle pas ton magasin Hitler si c'est pas vraiment une bonne idée. Non, ça a déjà été fait. Dans ta face. Penses-tu que Tim Burton va tenter sa chance avec Johnny? Je suis certain. Sinon, j'ai emprunté à la banque. Ah ouais? Ouais. T'écriras ça. Pour ta première fois, en plus, là, t'es rendu c'est un citoyen, peur. Même. Ouais, faut que je fasse mon nom. Ma calice. C'est ça, la map. Ouais. Bon, ben, là-dessus, Bruno, il te reste deux nouvelles. Ouais, monsieur. Allez, shoot-moi ça, man. D'accord, alors... Ben, commence par la deuxième. Non. OK. C'est quoi ça, le carreau, là? Ouais. Lors d'une opération afin de déterminer les standards de vente d'alcool des commerçants de la ville de Nottinghamshire, un agent s'est présenté avec une fausse carte d'identité, l'identifiant comme un jeune homme de 17 ans ayant le visage de Bobby Hill de la série animée King of the Hill. On voit sa carte ici à l'écran. Malgré ces faits, 6 magasins lui ont vendu de l'alcool après avoir vu sa carte. Bam! Dans ta face, la loi. La loi! La loi! La loi! Mais la loi. Si le... Ouais. That's it. Ah, c'est vraiment toi? Ouais, je filais bande. Puis en plus, il y a 17 ans à sa carte, tu sais, fait que c'est vraiment... Ouais, mais le monde devait se dire, OK, c'est une niaiserie, puis ça paraissait que le gars avait plus que 18, genre, mais... Non, il paraissait que le gars avait 18 ans, en fait, le gars qui a fait okay, de la OK, prends la dernière. D'accord. Un garçon malentendant de 3 ans de Grand Island au Nebraska devra peut-être changer la manière dont il dit son nom à cause d'une politique qui interdit d'apporter tout objet qui puisse ressembler à une arme à son école. Hunter Spanger utilise le C-S-E-E ou Standard Exact English comme langage des signes et son prénom se prononce comme quand on fait semblant de tirer du gun avec nos doigts. Ben toi là, non. Comme ça, il est en train de le faire là. Hey, c'est illégal ça. Nous travaillons avec les parents afin de trouver la meilleure solution pour l'enfant, a affirmé Jack Shear, le porte-parole des écoles publiques de Grand Island. Update par exemple, finalement ils se sont rendus compte qu'il était cave là, puis ils vont pas lui demander de changer la manière de prononcer. Ça, ok. Probablement parce que c'est passé à la TV puis tout là. Sinon. Mais qui sait, tu veux dire qu'il est cave, c'est le petit gars? Non, le Jack Shear. L'école qui veulent changer. Les parents qui l'avaient appelé Bang Bang Charles Bois. Ils l'ont appelé Hunter. Hunter, c'est un vrai prénom, tu sais. Ouais, c'est ça. Pis ouais, ils l'ont appelé de même avant de savoir qu'il était sourd. Pis veut pas, le gars il est sourd, c'est plate dans la vie, mais il a un prénom crissement cool. Ouais, ouais, c'est mais s'il est sourd, tu changes son prénom pis il sera jamais, il l'a jamais entendu. Non, mais c'est ça son prénom. C'est ça son prénom. Lui fait ça, mais là à un moment donné, tu sais tranquillement, t'évolues vers ça. En tout cas, merci beaucoup Bruno. Ça va nous amener tranquillement, pas vite, vers l'avant-dernier bloc de notre émission de ce soir. C'est Étienne, t'as une deuxième ronde pour essayer de nous politiser. S'il y en a encore des indécis, j'en remets un de chaque. Là, ça va, encore, voilà. Allez, mais laisse-nous deviner, ça va être lequel. OK. OK, ben ça va être facile à deviner, OK? Fait que j'en pars une maintenant. Je suis prête. Je sais pas si c'était les libéraux, là, 15 ans. Je l'ai mis dessous, déjà. Ah ouais. C'est-tu Nicole Martin? Non, c'est Mitsou. Espèce d'inculte. Alors, du debout plus haut. Pas facile. On avance au refrain. Sors un peu. La CAQ. La description a l'air de la CAQ, mais c'est on vole, fait que c'est l'option nationale. Ah! Et voilà. Ben, on vole dans le ciel. Ouais. C'est une bonne place où voler, par exemple. Ben, puis le ciel, c'est bleu, tu sais. Donc, mais j'en passe un autre petit rapide pour l'option nationale, juste parce qu'il y a une raison, vous allez voir. Si je passe ça, c'est « On est-il bien quand on est chaud? » On est-il bien quand on est chaud? Sur le bord de la grève. C'est Mario Mercier qui nous chante ça. Sur le bord de la grève en Ontario. Ouais, c'est bizarre, hein? Par canoyer par les taureaux sur le bord de la grève en Ontario. Mais ce gars-là, Mario Mercier, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, imaginez-vous donc qu'il est décédé mort, la semaine dernière. Une chronique, où sont-ils devenus? Où sont-ils rendus? Fait que Mario, il n'est plus. Y a-tu le temps d'aller voter par anticipation? Puis ça me surprendrait. Non, qu'est-ce qui arrive, hein? C'est ça? Si tu votes par anticipation puis tu meurs avant le vrai vote, ils t'annulent-tu et te retrouvent ils vont le chercher pense dans que la le boîte. Le vote est fait puis c'est correct. Non, justement, tu avais prévu mourir avant le vote. C'est ça, tu votes par anticipation. Tu veux te suicider parce que tu trouves qu'il n'y a plus d'avenir au Québec, mais tu vas quand même voter une dernière fois pour la CAQ. C'est un devoir de citoyen. Une dernière fois pour la CAQ, c'est bon. Une dernière fois. Ok, fait qu'on va y aller avec un autre. OK. Ça fait pour le Québec. Et voilà. Pour les libéraux, ça marche pas. C'est libéraux. Pour Some Sugar on Me. Pour, donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce joke-là. Ça traînait sur les réseaux sociaux. 57 semaines, numéro 1, combat des clips. Excellent. Voilà. On se demande pas comme pourquoi. Les libéraux. Ah, j'étais en cinquième année. C'est le bon temps, pareil. OK, Jean. Celle-là, ce sera peut-être pas facile. Même si c'est un mensonge. Non, c'est pas ça, c'est pas les libéraux. Je pense que j'essaie de réfléchir là en même temps, mais je pense pas que le titre est dit dans les paroles, puis que la joke c'est le titre finalement. Amoureux solitaire. Amoureux solitaire, donc c'est pour Québec solidaire. Québec solidaire, ben oui. Qui sont évidemment un duo à la tête d'un parti, mais qui en a tout le temps rien qu'un qui se fait élire. Donc voilà, amoureux solitaire. Ben, tout le temps. Tout le temps. tout le temps. Comment c'est pas ça? C'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis on sait bien qu'une fois peut être coutume. Ça devient rapidement coutume. Ouais. Ben, mais on parle de garous. On parle de garous. C'est ça. OK, un autre. Ça parle en même temps un peu d'apprendre des conséquences de ses actes. C'est intéressant. Je t'aime bien, mais tu me désoles. Car tu ne fais rien à l'école. À toi de choisir ce que tu veux devenir. Alors, le Parti québécois. Et voilà. PQ. Et les collections de souliers. Petit animal. En même temps, ce qu'il dit à sa sœur, c'est faut que tu choisisses entre aller à l'école puis t'instruire ou rester un animal. Ouais. Fait que OK. Mais calvaire! Tu marches à quatre pattes tout le temps, là? Ouais. Moi, je salue mon beau-frère que je suis au secondaire 2. Bon, à l'école ou ben tu couches dehors! C'est un peu ça. Je vais conclure avec une vidéo. Je demandais à Dieu de nous partir ça. Donc là, il n'y a plus de surprise, il reste rien que la CAQ. Évidemment, quand on parle de changement, moi j'ai pensé tout de suite à Wind of Change. Fait que j'ai checké sur YouTube, j'ai trouvé un magnifique vidéo qui s'appelle Wind of Change, Worst Seniors Ever, LOL. Fait que je me suis dit, ça va être super. Je pense qu'on va le... Je pense que oui. Ça vaut-tu la peine qu'on l'écoute au complet, puis on revient après avec la chronique de Fred? Il ne sait pas, il l'a pas vu. Ça dure 40 secondes. Bon, ben... Ça vaut à peine, je pense. Pour la CAQ, puis après on écoute Nathalie Simard. Puis après, on revient avec Fred, puis on finit l'émission. Yeah! What my guitar wants to say. De toute beauté. Fred! Ouais! Parle! Je vous ai préparé un spécial électoral. Yeah! Oh. Parce que c'est demain que ça se passe. Fait que, pas mon jingle, là. Funny pictures of leaders, leaders, funny pictures of leaders, funny pictures of leaders, leaders, pictures of leaders. To the right! To the left! Aïe! C'est ça. On est prêt. Fait que voilà, première photo. Oh! On a John James. Il y a une bavette. Ouais, c'est comme une espèce d'affaire de cuisinier, l'Institut d'hôtellerie qui est allé visiter. Il y a vraiment un sourire à coup de pied, là. On dirait que sa tête a... En tout cas, j'invite à captionner les photos, hein. Ouais. C'est spécial. Deuxième photo. John James Part 2. Avec... La médaille. Une espèce d'honneur. Ouais. Sarkozy. Il n'y a pas un gros coup, hein. Non, vraiment pas. C'est son double menton qui a reçu la médaille de la Légion d'honneur. Ouais, son double menton. Pour tout ce support. C'est son deuxième menton. John James avec son permis de conduire dans son front. Ouais. Pour dire qu'il l'avait. Ouais, c'est ça. Je l'ai, puis regardez comment avec mon front, il fit parfaitement avec mon permis de conduire. C'est peut-être qu'il jouait. Il si vous voulez. Tu as ça collé dans le front, faut que tu devines t'es qui. Grosse campagne. Bibi Charest. Eh bien. Séparé à la naissance. On le voit tout de suite. Gargamel Charest Part 1. Donc, hein, les enfants, ça revient souvent dans les campagnes électorales. On a Pauline qui reluit ici avec Jamila Benabit. Ah ouais, hein, t'as été bon de prononcer son nom. Ouais, je suis pas comme le maître en ligne. Moi, je suis pas réussi encore. Hein. T'es pas un maire. Ouais. C'est Madame Bourette. Ça, c'est pendant le Noël du campeur. Ok. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle disait au Père Noël, mais il a pas l'air de trouver ça si cool que ça. Je pense qu'elle lui confiait, il n'y en aura pas pour faire de référendum. Ouais, peut-être. Ouais. Ton costume rouge, c'est fini. Pédopoline, Part 1. Elle kidnappe les enfants. Et oui, ouais, faut surveiller les backgrounds. Hein. Professeur Moustache. Il y a tout le temps quelqu'un qui s'en calisse dans le background pour vrai, là, pour surveiller. Là. Pauline, what the fuck? On joue un jeu. Trouvez laquelle est Pauline Marois. Vous l'avez deviné. Celle qui a le pouvoir de parler. C'est Lamb Chop. Pauline, ho ho! Oh là là! Hein? Oh! Hey, elle a du fun! Oh là! Oh! Belayo! Oh! Pauline qui capote ben raide! Yeah! Aïe, amenez-la pas dans le métro, elle va triper! Moi, j'ai jamais vu ça du baby. Comment ils font pour bouger? Ils sont tout petits pis ils sont en plastique! C'est bon au travers! Le gros de la CAQ. Le Jabba de Hutt. C'est un médecin. C'est ça qui est hot. Ouais. Charest ouvrier pendant une journée. Ah, c'est, y a pas d'autre chose. C'était la journée. Apportez votre enfant au travail. Ouais, c'est ça. Il y a comme des cols bleus heureux de le voir. Ça, c'est. Ouais. Ah, ben oui, c'est du fun. Priceless. Hey, bateau. Hein, le gros qui dit il était long de même. Ou bien, elle est longue de même. I've got the biggest dick. Ouais. J'aurais à traiter Legault de marchand de peanuts. C'est un marchand de tomates. Voilà. Ouais, la même chose. On le voit. Clairement, pas des tomates très mûres. Je crois qu'on vient de spotter une belle moustache en background. Moustache de background! Hey, c'est-tu la même moustache de background que tantôt? Non, je pense que oui. Non, non, c'était Pauline. Ben, c'est peut-être la même, mais c'est une autre face. Ok, là, il va faire un pire. Le gars a souvent chialé sur la jeunesse, hein? J'aurais la réponse à ça. Faut leur crisser une plaque en arrière de la tête. Quand ça va pas. Tout simplement. Ok, loi 78, Claude. Le gars qui sourit. Fait rare, c'est tout. Ouais. C'est juste une rareté. C'est vrai, ça n'est pas ça. Le go qui dit, je pense que Gaëtan Barrette, il est à peu près gros de même. Le go est le gros. Voilà. Remarquez sur si bien tourné. Ouais, un spectateur intéressé. Gargamel Part 2. J'aime les enfants. Ouais, il va être transformé. On dirait que sa face a été photoshopée sur le corps. C'est ouais. Les corps et gauche. Oh, hey, là, je t'ai intimidé. Les communistes, socialistes, trotskistes, léninistes, anarchistes. Il y en a terroriste. Ouais, terroriste, je l'ai oublié, hein. Ouais. Moi, j'ai vu sur Facebook l'autre fois quelqu'un qui traitait les carrés rouges de fascistes. C'est Manon. Je voulais pas faire de joke de Manon Massé. Hey, on a le fantôme de Manon Massé. On a quand même une moustache de background. Pédopoline Part 2. Hein, on a trouvé un plus jeune. Ouais, c'est Hunter. Ouais, qui fait un fusil. Oh, dans le métro. Oui, Pédo Pauline. Ça, c'est un grand moment de la politique, ça. Pauline avec Léo dans le métro. Avec Léo, est-ce que tu sais? Hey, hein? Hey, c'est le fun, hein? N'est pas une bourgeoise. C'est mon siège, Pauline? Non, non, je touche pas à ça. Avec ses beats by Dre. Ouais, là, je pense que c'est le background qui est encore intéressant. Tu peux aller à gauche. Voilà. Ah, oh boy, hein, ouais. Ouais, très intéressant. Ouais. Check les souliers à Pauline. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, regarde. Avec Léo Bieber. À droite. Voilà. Léo Bieber. Et la Pauline des Beaux-Jours, hein, celle qui disait « Faut augmenter les frais de scolarité! Ouais. » Et c'est elle qu'on va porter au pouvoir demain. Ouais. Ouais. C'est elle qui a inventé la juste part. Mais au moins, elle a dit qu'il n'y avait plus de loi 78. Merci beaucoup, Fred. Fait plaisir. Hey, ça nous amène à la fin de l'émission. Oubliez pas d'aller voter au www.douteux.org pour le film de la semaine. Sinon, ça va nous manger des bonnes affaires puis boire des bonnes affaires au brouhaha avec Néon Maniax. Et je vous rappelle qu'on a un party samedi qui vient. C'est au profit de douteux.org pour... l'avenir et tout. Là. Faites attention à vous autres, il y a des marches d'escalier. Merci à tous les collaborateurs, Mathieu. Merci à Dieu, Fred, Bruno, Étienne, Mandy à la caméra. Faites attention encore, là. C'est ça. J'aurais dû dire ça dans l'ordre inverse. Ouais. Fini. Voilà. Bye, là. Fini, bye. Bye. Vous pouvez lui dire salut, là. On se revoit sur un nouveau gouvernement. Bye. Bye. Bidi, bidi. Bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi. C'est la même affaire. Oh, so feed me up. Changing a slip, some boil away. Just wanted to be myself. Hey, you said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook. You're the wave, you're the wave, you're the wave. Everybody